madame. Sorti de ma vie aussi vite qu'on peut entrevoir un éclair. J'ai perdu madame. Je me refais toutes les pièces, il n'y a plus ses affaires. Elle m'avait dit que j'allais la perdre. J'entendais mais j'étais sûr de ne pas la perdre. Je n'ai fait qu'attiser sa haine. J'étais sûr que l'amour serait plus fort que sa haine. À quoi je m'attendais? Je suis fautif, je mérite ce qui m'arrive. Je me suis mis en danger, je suis trop naïf, je mérite ce qui m'arrive. Je t'aimerai toujours, je ne t'oublierai jamais, femme de ma vie. Ma langue est bien trop lourde pour dire que je voulais que tu viennes dans ma vie. Comment je vais récupérer ce que j'ai perdu? Chaque fois que je te vois, je continue de faire comme si rien m'affectait. Ma baby mama, est-ce que t'arrives à voir au-delà de ma fierté? Est-ce que ma fille réclame son père? Est-ce que tu réponds quand elle demande son père? J'aimerais t'en revenir en arrière, revivre en boucle les jours où tu m'aimais sincèrement. On me demande sans cesse.